L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Vous avez envie de créer votre entreprise? Eh bien, du 9 au 13 octobre, l'ADI vous donne rendez-vous. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Philippe Etcou, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseiller pour l'ADI. Alors, de quelle manière l'ADI peut rendre des projets de création d'entreprise possibles? L'ADI finance et accompagne les porteurs de projets. Elle accompagne également des personnes créatrices d'entreprises en les aidant financièrement à pouvoir bénéficier d'un outil qu'on appelle le microcrédit. Le microcrédit, c'est un prêt qui va jusqu'à hauteur de 10 000 euros. Et ce microcrédit, il est accompagné parce que l'ADI aide les créateurs d'entreprises avant, pendant et après leur création à pouvoir assurer la pérennité de leur entreprise. Pour pouvoir obtenir un financement, il suffit tout simplement de prendre contact avec l'ADI, soit à travers notre numéro Cristal, le 0900 69 328 110, ou à prendre contact avec notre agence qui se trouve sur le site de Maxéville, sur le site du Grand Sauvoir, tout simplement, pour pouvoir faire une demande de financement. L'ADI, comme on l'entend dans le sigle, c'est donner le droit à l'initiative économique. Donc, c'est permettre aux personnes qui n'ont pas accès au financement, au crédit bancaire, et plus particulièrement les chômeurs et allocataires des minima sociaux, mais ça s'ouvre à tout porteur de projet qui n'a pas accès au financement bancaire pour un projet de création d'entreprise. L'ADI a pour mission de donner ce droit en finançant et en accompagnant le créateur d'entreprise. Et vous accompagnez donc cette personne, combien de temps ça peut prendre l'accompagnement d'un futur créateur d'entreprise? Alors, l'accompagnement va se faire sur toute la durée du financement. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que nos financements peuvent se faire sur une durée maximum de 4 ans. L'accompagnement peut se faire pendant toute la durée du financement et même après la durée, même après le remboursement du financement. Donc ça peut se faire sur une période peut aller jusqu'à 4 ans et voire plus. Alors du 9 au 13 octobre, c'est une semaine de sensibilisation donc pour inciter ces futurs candidats à la création d'entreprise à donner vie à leur projet. Il va se passer beaucoup de choses sur le département, même au-delà du département, mais on va se concentrer sur ce qui se passe sur la région nancéenne. Deux dates à retenir, déjà le mardi 10 octobre sur l'esplanade des commerces à Nancy, avenue Raymond Pinchard. Que va-t-il se passer sur place ? Sur place, nous allons effectivement accueillir dans le bus le petit plateau. C'est une forme de forum où nous aurons la présence effectivement des chargés d'accompagnement ADI, la présence du Pôle emploi et les représentants du conseil départemental, pouvoir informer, accompagner et orienter les porteurs de projets de création d'entreprise. Et donc cet événement aura lieu le mardi 10 octobre de 10 à 12 heures. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir apporter des éléments d'information sur la création d'entreprises, les aides, les financements, et pour pouvoir orienter les personnes en fonction de leurs besoins. Voilà, en présence donc d'autres partenaires. D'autres partenaires, donc notamment le Pôle emploi et le Conseil départemental. Voilà, tout le monde sera réuni, donc on peut avoir tout de suite toutes les informations, toutes les bases possibles pour pouvoir aller plus loin. Exactement. L'idée de ce forum, c'est de se rapprocher effectivement des potentiels créateurs d'entreprises et donc d'aller dans les quartiers en apportant effectivement des formats complètement différents des formats habituels, d'où l'idée du bus où nous accueillons le public qui souhaite effectivement avoir des informations sur la création d'entreprises de façon générale, les aides, les financements qui peuvent accompagner cette création d'entreprise. Donc un rendez-vous pour avoir plein d'informations, mais vous proposez aussi, lors de ce temps de découverte, des ateliers. Il y en aura un à Vendeuvre le jeudi suivant. Exactement. Et donc le jeudi 12, de 9h30 à 11h30, nous accueillons le public aux 17 places de la Forêt Noire à Vendeuvre, dans les locaux de l'association AVEC, qui est un partenaire. Nous accueillons, lors d'un atelier qui se déroulera de 9h30 à 11h30, des porteurs de projets, tout simplement, pour pouvoir éclairer leur parcours de création d'entreprise. L'éclairage va porter notamment sur les aides et les financements. Ce sera un atelier ludique d'échange qui sera ponctué d'un quiz. Une deuxième date à retenir, effectivement, le 12 octobre, de 9h30 à 11h30, dans les locaux de l'association AVEC, aux 17 places de la Forêt Noire à Vendeuvre-les-Nancy. Et pour participer à cet atelier, il n'est nécessaire de s'inscrire, on peut y aller tout simplement dès 9h30. Il est conseillé effectivement de contacter tout simplement l'ADI pour pouvoir s'inscrire à cet atelier au 03 83 68 84 10. Voilà, un numéro qu'on peut également appeler pour avoir d'autres renseignements. Si on ne peut pas se rendre ni le 10 ni le 12 à votre rencontre, on peut déjà vous appeler pour en savoir plus dès maintenant. Exactement. Les personnes peuvent aussi se rendre à notre agence pendant toute cette semaine de communication. C'est, je le répète, c'est une semaine de communication nationale. Les personnes peuvent effectivement prendre contact avec l'ADI sur ces différents sites, notamment localement sur le site du Grand Sauvois, au 17 avenue de Metz. Nous invitons large public effectivement à venir participer à ces deux événements qui auront lieu sur la communauté urbaine de Nancy, mais aussi à venir directement en agence se renseigner. Voilà, créer son entreprise, c'est possible. Pour être complet, un site internet peut-être pour retrouver toutes les infos? Pour avoir toutes les informations, il suffit tout simplement de se rendre sur le site www.rdv-adie.org. Cliquez sur le lien événements et vous avez l'ensemble des informations relatives à cette semaine d'information. Philippe Ngou, merci. Je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.